à nous, la presse n'est pas là. L'islamophobie dans les médias, j'apprécie pas là. Loin de ces mythos, ils font de la monnaie. J'arrive incognito, mais ta meuf elle me connaît. Je joue pas les locos, arma vita loca. C'est devenu une heure, tu finiras dans le local. Les MC Bel Air, face au prince de Bel Air. J'suis posé à du Hesni avec une tranche de Delair. J'suis dans un grand délire, Marine s'embellit. Sans te lift, on pousse accélère, ça s'envenime. Cric, cric, bang. Pour la monnaie. Affolé devant la monnaie, petit plaisant, on te connaît, tu fais le fou devant tes collègues. On va tous emmener les belles, mon équipe est filée, moi non, mon équipe est connue, ils sont passés par la télé. Pour la monnaie, t'es déter, le toit sur la détente. Tu parles plus en kilo, tu fais rentrer des tonnes. Le charbon, le béton, les FIFA sont comme Milton. Photo, rappelle-toi, je rappe à la Capelton. Bien avant le belge, on connaissait des belles gosses. Ils ont voulu test, les rafales à coup de bastos. Je m'en vais fait, tiens, t'inquiète pas, j'ai l'astuce. On les rafale direct, demande à Yemin l'artiste. Personne ne m'achète, je me demande si tu m'estimes. On a trouvé la recette pendant que la tienne est factice. Avec le diable, on pactise. Jamais, je t'explique cette année. Je compte m'installer ou alors mettre une satanée. Cric, cric, bang. Pour la monnaie. Elle met des potes et des folles qui m'aiment que pour mes fins de mois. On est des